jeunesse. Impitoyable écran, je ne peux te convaincre de n'aimer que moi. Tu tends à te mettre à la fortune des hommes, mais ton cœur n'y est pas, on n'y est plus. Retenter, mais mon illusion n'a pas tenu. Tu es trop vieille pour croire en cela. L'amour n'est que jeunesse. Le mécanisme s'étend.